essaye de cerner et de pénétrer un paysage. C'est pas facile. là. C'est qu'ils étaient plutôt vers la route. Allons vers la route. Là où il y a le pont. Thank you. pénétrer.